Oui, si. Tu ne peux pas monter. J'ai tiré une coup de crosse de hockey. On leur met face en double bonnet. On load 500 dans la pocket, concentré sur ma monnaie. Rajoute du poulet dans mon bucket. La dalle on connaît. Une pourrie pour Amar. On va tout cramer comme un olé. J'suis sur le périph, à donf entre deux flashs. Préservatif sur le pénis. Me glisse entre deux tasses. Oh, voilà le duc de Boulby. Fais le 18, vite ou près, viens le tout bip. Je ne porte pas de toc, je dors mal sur mon Glock. Je rentre à 5 o'clock, les keufs me suivent quand je sors du bloc. Ne me parle pas de rue, de ce que tu as vécu. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on ne t'a jamais cru. C'est B2OBA, dernier flow, dernier cru. Ah ah, chaud, on te fait un deuxième trou du cul. Pendant que ça chauffe, dans le 7, tu dois grigner. Je mets la capote sur ma bite et sur ma Lamborghini. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. On t'a jamais cru. On t'a jamais cru. Ne me parle pas de rue, ce n'est pas vrai, tout est faux. Gros, tu veux retirer le coffrant. Faut bien savoir viser le cadre. Ne dévise pas la trajectoire sous la pression du stade. Le suspect numéro 1 a changé depuis Mesrin. Mon rap est une scène de meurtre maquillée en suicide. En mode valtrinque, les chiens se mettent à miauler. Deux mecs sur une pécane, ça fait peur ou pleurer. La devise, c'est meurt ou mérite de souffrir. Bref, j'en connais autant sur toi que sur mon 9 mm. Si j'ai l'échec au bout du fil, je lui raccroche au nez. Faut marcher droit parce que le marchand de sable est calibré. La France est une garce qu'on ramène à Télo parce qu'elle provoque. Grosse paire de couilles dans mon froc, reste près de ton Glock. Glock, Glock. La BAC ou Lucifer. Trop tard pour un pull-up, sont déjà les menottes qui se serrent. Tu peux rien faire, négro. Face à ma clique de sauvage, la rue c'est chaud. Et dans la caisse, on est comme dans un sauna. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. On t'a jamais cru. On t'a jamais cru. Ne me parle pas de rue, ce n'est pas vrai, tout est faux. Tu gagnes plus que le quintet. Plus que le rinté, tu vas t'esquinter. La vue, tu ne me vois pas, j'ai les vitres teintées. Qui aurait cru que cop allait niquer le bis. Tout sec, assis dans le grec, en tête à tête avec un double cheese. Je regarde les culs dans la street quand je roule dans ma Lambo. Un seul coup de fil, je me fais livrer tout de suite le flingue à Rambo. Macabre symphonie sur la ville de Paris, faut qu'elle craque. Je regarde pas les infos, sans Harry, à la vue du pouvoir, j'ai des forailles sur l'adversaire. Je suis pas comme cette vieille pute, prête à tout pour vous. Jamais content de ce que j'ai parce que je viens d'Aubert. Je pars en couille de spit comme une rafale sur ta mère. Reste près de ton prolique, j'adore le dirty dirty. Dans tous les nightclubs, c'est tout le monde qui check son body. On n'aurait pas dit, mais j'ai le flow Armani Versace. Tu liras sus ma bite sur mon procès verbal. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on t'a jamais cru. On t'a jamais cru. On t'a jamais cru. Ne me parle pas de rue, ce n'est pas vrai, tout est faux. Ce n'est pas vrai, tout est faux. Ne me parle pas de rue, ne me parle pas de rue. Ce n'est pas vrai, tout est faux, on ne t'a jamais cru.